Le prince de Cran, de Clémence Robert. Au point du jour du 13 mars 1394, une bande d'ouvriers appartenant à la corporation des maçons, comme on leur connaissait à leur chaperon bleu, à leur surcot de toile grise, serré d'une ceinture rouge, se dirigeait vers la paroisse Saint-Jean. S'ils ne portaient avec eux que la hache et le marteau, les outils de la destruction, c'est qu'ils n'allaient point construire, mais renverser. Ils s'arrêtèrent dans la rue Chartoux, devant l'hôtel désert de Pierre de Cran. On vit alors un singulier spectacle. Des magistrats vêtus d'écarlate et d'hermine comme dans les grandes cérémonies, des seigneurs, des chevaliers accompagnés des hauts barons, assemblés sur cette place, lancèrent l'anathème de la vindicte publique sur l'hôtel qui avait appartenu à un traître, le condamnèrent à mort, comme on avait condamné à mort son maître, et décidèrent que son emplacement, rasé de fond en comble, semé de sel et purifié par l'eau bénite, serait donné à la paroisse Saint-Jean pour en faire un cimetière. Puis ils laissèrent l'édifice entre les mains des maçons, exécuteurs des hautes œuvres, et allèrent tenir une séance de la cour d'amour présidée par la reine Isabelle. C'était un magnifique bâtiment que l'hôtel de Cran. S'il avait été déloyalement acquis, s'il n'était rempli que des fruits de la rapine, si le peuple disait qu'il appartenait en tout point à Satan, comme le baron son maître, on devait convenir au moins que c'était un des plus vastes et des plus élégants édifices de la cité. La façade était couverte de sculptures de marbre et d'écussons dorés, les frises couraient tout autour enrichies d'emblèmes féodaux. L'intérieur enfermait des tentures, des tapis d'Orient, des mosaïques romaines, des meubles de bois odorant incrustés de nacre et d'émail, des urnes d'agate et de porphyre, et mille objets qui rappelaient les goûts délicats et voluptueux de l'ancien propriétaire et ses voyages dans les contrées méridionales où n'expirent jamais les arts et les plaisirs, des livres précieux, des tableaux, des instruments de musique montraient aussi son attachement à toutes les choses de la gaie science. Les jardins étaient remplis d'arbrisseaux parfumés de fleurs rares et de volières où brillait le plumage des oiseaux du tropique étincelant comme des pierres précieuses. Mais tout cet intérieur était désert, tout ce luxe était morne et silencieux, attendant le coup de la mort. Le concierge, un page et deux hommes d'armes avaient été exécutés, le reste des habitants était en fuite. En quelques minutes, la toiture bolle dispersait en éclats. Un épais tourbillon de poussière remplit l'espace, dérobe l'azur du ciel et roule sur toutes les habitations voisines. Puis, d'étage en étage, à travers les vestibules, les salons, les galeries, la bande de travailleurs marche, échange les lambris sculptés, les colonnes, les statues en masses informes qui vont tomber avec un roulement sinistre au pied des murs, écrasant sous leur torrent de débris les bosquets du jardin dont elles renversent, broient et ensevelissent les arbrisseaux fleuris. Sur le fronton d'une porte était écrit en lettres d'or « À toi, mon Italie, mère des orangers et des amours ». À l'intérieur s'élevait une statue de marbre blanc, la tête couronnée d'étoiles, et reposant sur un socle de sépulture antique. Près d'elle étaient des bronzes et des marbres rapportés de Naples et de Venise, des manuscrits antiques que le baron Pierre de Cran traduisait naguère aux dames de la cour, des lyres, des théorbes dont il jouait à merveille, et une armure du plus fin acier qui révélait la hauteur et les formes admirables de sa taille. La statue de l'Italie était si belle que l'ouvrier prêt à la frapper laissa tomber sa hache déjà levée. Il faut que la Sainte Vierge en personne ait servi de modèle au sculpteur qui a fait si belle portraiture, dit le maçon. Frappe toujours, Roger, dit un de ses compagnons qui travaillait à autre chose. Elle ne te criera pas merci. Je ne le peux pas. Avec sa beauté, elle m'inspire autant de respect que si je la voyais sur l'autel de Notre-Dame ou sur le trône de la reine Isabelle. Eh bien, dit l'autre maçon, on frappe sans regarder. « On fait comme cela. » À ces mots, il tourne la tête de l'autre côté et assène à la statue un coup qui la détache de sa base et la fait rouler dans les décombres. Déjà deux fois, les ouvriers, lassés de frapper, détruire, pulvériser, étaient allés se reposer dans leur demeure et avaient repris leur tâche le lendemain. Au milieu du troisième jour, ils étaient assis sur le gazon poudreux du jardin et s'étendaient nonchalamment sur des tronçons de colonnes, après avoir tiré de leur havresac la pitance du dîner. L'édifice n'avait plus pierre sur pierre, l'air circulait librement sur le sol où fut l'hôtel de Cran. Un des maçons dit, en versant son claret dans une coupe d'opale qu'il avait retirée des décombres, celui qui fut le maître de tout ceci, n'aura plus ce soir que le gibet de Montfaucon pour palais. Ainsi va le monde. » Et il vida sa coupe tout d'un trait. « On lui fera les honneurs du lieu, » répondit Roger. « Tous les pendus qui s'y trouvent lui prêteront foi et hommage comme à leur maître et seigneur, plus digne de recevoir la corde que tous. Et le clocheton des trépassés lui donnera une aubade. » On prétend, dit un compagnon, que lorsque le seigneur Pierre de Cran commit le crime pour lequel il sera pendu dans 2 heures, on vit Satan à côté de lui le pousser lui-même à cet ouvrage. Non, ce n'était point Satan, c'était Jean de Mauléon, l'écuyer favori du baron Pierre et son mauvais conseil. Je l'ai vu comme je vous vois. Dis-nous donc, puisqu'en effet tu étais à cette affaire, comment est arrivée la chose et combien de personnes justes ont péri dans la mêlée. Voici le fait. Pierre de Cran, jeune et beau courtisan, étant avec Louis d'Anjou à la conquête de Naples, fut chargé par ce prince d'aller à Venise chercher de l'argent que sa femme, restée en France, lui envoyait. Arrivé dans cette ville, le démon du plaisir tenta Pierre. Il dépensa tout l'argent à s'ébattre avec les courtisanes, après quoi il revint en France. Là, il ne fut point puni de sa déloyauté. Au contraire, le duc d'Orléans le mit de toutes ses fêtes et fit de lui le confident de ses intrigues amoureuses. Il était alors en affaire de cœur avec une juive, la plus belle fille des filles d'Israël. Cran, à un bal où il causait familièrement avec Valentine de Milan, femme du duc d'Orléans, eut l'indiscrétion de lui raconter cette amourette. Valentine, le lendemain, prit la juive en particulier et lui jura de lui faire couper le nez et les oreilles si elle ne cessait au plus tôt ses intrigues criminelles. La juive, mourant de peur, rapporta cette menace au duc d'Orléans, qui connut ainsi l'infidélité de son ami et le fit tout de suite bannir de la cour sans lui apprendre le sujet de sa disgrâce. Cran, qui avait toujours eu le connétable de Clisson pour ennemi personnel, crut que le coup venait de lui et promit de se venger. Il se cacha dans les murs maudits qui s'élevaient à cette place, y fit venir avec lui quelques compagnons dévoués et attendit l'heure favorable. Elle arriva le 13 juin, jour de la fête du Saint-Sacrement. Nous avions travaillé tout le jour à l'hôtel Saint-Paul, où le roi donnait un grand festin. Le soir, plus curieux que les autres, je demeurais pour voir à travers une fenêtre les belles choses qui allaient se passer. Après le repas et les danses, qui se prolongèrent très avant dans la nuit, chacun se retira. Comme je traversais la place Saint-Paul, je vis le connétable Olivier de Clisson qui rassemblait ses gens pour le départ. Ils étaient 8 hommes d'armes et 2 valets portant des torches allumées. Craignant de traverser seul et nuitamment ce mauvais quartier, je me mis à la suite de cette bande. Dans la rue Culture Sainte-Catherine, nous voyons subitement des gens armés se mêler à la suite du connétable et éteindre les torches. Clisson croit que ce sont le duc d'Orléans et des seigneurs qui veulent jouer. Il leur dit « Par ma foi, mes seigneurs, c'est mal fait, mais je vous le pardonne, car vous êtes jeunes, et ce sont tous jeux en vous. » À ces mots, Pierre de Cran tire son épée et s'écrie « À mort, à mort ! Clisson, ici, vous faut mourir !»« Qui es-tu qui dit de telles paroles ?»« Je suis Pierre de Cran, tant de fois courroucé par vous. »« En avant !» dit-il à ses gens. « J'ai celui que je demande. » Quand ces hommes voient que c'est le connétable qu'il faut mettre à mort, ils restent ébahis et refusent de tirer la lance. « Je ferai donc la chose moi-même, » dit Pierre, et il lève l'épée. Mais au moment de frapper, il demeure lui aussi, atteint d'une froide terreur, et il hésite. Alors son écuyer Moléon le saisit par le bras et le pousse sur le connétable. Celui-ci se défend un instant, puis tombe contre la porte d'un boulanger qui se trouve entr'ouverte. Et Pierre de Cran dit « Allons-nous-en. Il doit être mort de ses coups, car ils ont été donnés bon bras. » Mais le connétable, comme vous le savez, n'était point mort et put nommer son assassin au roi, qui le fit arrêter en Bretagne, où il s'était réfugié et justement condamné à l'échafaud. Vive la justice du roi! Et l'hôtel du traître a été condamné à mort comme lui. Il deviendra cimetière. Ses marbres seront des tombes, ses bouquets de fêtes, des cyprès, ses convives, des morts, se réjouissant au fond de la terre. Les pères Cordeliers vont venir bénir cette enceinte pour en faire une sépulture de chrétiens. À ce propos, les ouvriers songèrent que le soleil marquait 2 heures et qu'il leur restait encore à battre un pavillon situé au fond du parc avant que la procession vînt, chantant des litanies, asperger le sol d'eau bénite. Le pavillon, élevé à l'endroit le plus retiré du jardin, était un petit bâtiment très fragile. Quelques coups de marteau devaient suffire pour le renverser. La porte et les fenêtres en étaient soigneusement fermées. Le premier ouvrier qui s'avança monta les 3 degrés du perron et d'un choc violent renversa la porte et le chambranle qui la retenait. Puis il fit un pas en arrière pour laisser place à l'éboulement. Alors, un cri perçant se fit entendre et une femme, sortant de l'intérieur, s'élança sur le seuil, s'agenouilla sur le premier degré et, étendant les bras devant les murailles, sembla vouloir les garantir des nouveaux coups que les ouvriers, le marteau levé, s'apprêtaient à frapper. C'était une jeune fille, blanche comme la mort au moment où elle arrive. Ses longs cheveux noirs tombaient sur ses épaules. Çà et là, des lambeaux de crêpe noire serraient les plis de son vêtement et flottaient sur la mousseline blanche de sa robe. Des brins d'herbe sèche détachés de la terre sur laquelle elle s'était couchée demeuraient attachés à ses cheveux. Elle disait d'une voix déchirante « Malheureux, respectez donc la tombe. Est-ce que vous ne savez pas que l'asile des morts est sacré, qu'on n'y touche pas plus qu'aux autels, et vous êtes ici chez les morts ?» Elle toucha sa tunique, ses crêpes. « Voyez, ceci est mon linceul. Ceci est mon voile mortuaire. Tenez, j'ai froid, bien froid. Mon cœur ne bat plus. Je suis toujours seule, étendue sur la terre. Vous voyez bien que je suis morte. » Les ouvriers ressentirent un mortel effroi à la vue de cette femme. Ils doutèrent si en effet ce n'était point une trépassée qu'ils venaient d'irriter contre eux. Mais en même temps elle était si belle qu'ils furent saisis d'une profonde pitié. « Madame, dit Roger, ne nous faites point de mal. Ne jetez pas sur nous la poussière de la tombe, et nous vous laisserons sortir d'ici pour aller chercher un autre lieu de repos. Sortir d'ici, non. Pierre de Cran m'a enlevé à mon père, puis enfermé en cet endroit, et il m'a dit « Tu resteras là jusqu'au jour de notre mariage. Mais Pierre de Cran a tué mon père. Il a été condamné pour cela à l'échafaud, et sa maison changée en cimetière. Et moi, qui étais venu ici pour les fêtes du mariage, j'étais la première convive de la fête funèbre. J'ai bien souffert. Ensuite, je suis morte. » Après cela, elle prononça des paroles délirantes dans lesquelles on ne put rien comprendre. Cependant, comme les maçons se disposaient à porter de nouveau la cognée sur le frêle monument, la jeune fille, ou l'ombre, s'étendit devant ce qu'elle appelait sa tombe et les mit dans l'impossibilité d'approcher sans passer sur son corps. Comme alors les ouvriers la virent de plus près, ils jugèrent que c'était un être vivant. Ses yeux étaient caves et troublés, mais ils avaient encore de la lumière. Ses chairs étaient affaissées par la souffrance, mais leur forme gracieuse gardait encore l'empreinte de la beauté, et sa bouche, si pâle, avait bien un accent humain lorsqu'elle répétait « Morte, morte à 17 ans !» Un des travailleurs voulut l'enlever de cette place, mais elle se tordit dans ses mains en laissant échapper des plaintes déchirantes. « Non, dit Roger, laissons-la dans son asile funèbre, comme elle dit. » Et il la reporta sur le seuil du pavillon, où elle tomba inerte, affaissée, pliée comme un roseau. On avait le cœur déchiré à la voir ainsi. Roger courut à l'endroit où les compagnons avaient pris leur dîner, et il apporta à la pauvre enfant un peu de vin dans une coupe. En voyant la liqueur, elle se mit à rire avidement, comme si elle allait se hâter d'assouvir sa soif. Puis, soudain, elle prit l'air hagard et repoussa la coupe en disant « les mortes ne boivent pas. Non, pas même leurs larmes, elles n'en ont plus. » Les ouvriers ne savaient quelle partie prendre. On les avait envoyés là pour détruire des murs, mais non des êtres vivants. Ils allaient se consulter entre eux lorsque la jeune fille dit encore « Morte, morte !» et ajouta en levant la main vers eux « N'entendez-vous pas le De Profundis que l'on chante sur mon cercueil ?» En effet, des chants funèbres se firent entendre. Ils venaient, lent et solennel, des profondeurs du feuillage. Aussitôt arriva par la grande allée la sombre file des cordeliers, le porte-croix en tête. Les ouvriers s'adressèrent au père Jérôme, prieur de ces moines, qui venait bénir le cimetière, lui montrèrent la belle créature qu'ils avaient trouvée en cet endroit, lui racontant ce qu'ils savaient d'elle. L'abbé devina bien vite en elle une victime des amours effrénées de Pierre de Cran, que la douleur avait rendue folle. Il dit qu'à la rigueur on pouvait épargner ce pavillon qui ne dépendait pas absolument de la demeure du condamné, et il laissait cet infortuné sans ajouter un acte de violence à tous ceux qui étaient ordonnés. Les ouvriers s'éloignèrent pour suivre les cordeliers en faisant des signes de croix et en mêlant leur voix au plein chant des frères. La procession s'étant approchée de la rue de la Tixeranderie qui donnait sur la place de Grève, on entendit soudain sortir de là une rumeur tonnante, mélangée de voix humaines, de hennissements de chevaux et de bruits d'armes qui débouchaient par le canal étroit de cette rue comme par un porte-voix. Pierre de Cran était sorti à 2 heures de la tour du Louvre pour être exécuté à 3 en place de Grève et porté de là à Montfaucon, car on voulait qu'il fût promené dans une grande partie de la ville et que la fête de son supplice amusa tout l'après-midi les bons parisiens. Le baron était monté sur son cheval de bataille, carapaçonné de drap noir semé de lames d'argent. La couronne et l'écu de son antique maison, voilée de crêpe, pendaient à l'un des arçons de la selle. De l'autre côté étaient son casque et son épée, également en deuil. Une longue tunique blanche du tissu le plus fin remplaçait pour ce seigneur le drap grossier qu'on faisait porter aux condamnés vulgaires. Il avait la tête nue à l'ardeur du midi. Une seule bandelette de pourpre coignait son front. Sa barbe et ses longs cheveux bruns cachaient son cou et tombaient sur ses épaules. Il relevait fièrement la tête sous ce soleil éblouissant et devant cette ville entière, comme s'il n'eût pas craint d'envisager ce jour qui le condamnait et ce monde qu'il allait quitter. Au moment où Pierre de Cran avait entendu sa sentence de mort, ce jeune voluptueux, cet homme de plaisir, ce guerrier hardi et aventureux, ce fier seigneur qui n'avait jamais obéi qu'à ses passions, s'était trouvé frappé d'une conversion soudaine. Il avait été saisi d'amour pour ce Dieu qui le consolait à ses derniers moments et lui ouvrait une vie nouvelle. Il l'avait aimé avec la passion qu'il mettait à tous ses amours. Il avait imploré la grâce de voir un prêtre à sa dernière heure pour lui confier les intérêts qu'il laissait ici-bas et ceux de son salut. Mais ce n'était point alors l'usage d'accorder un confesseur aux condamnés, et on lui avait impitoyablement refusé cette faveur. Il parcourut au plus petit pas de son cheval l'espace qui sépare le Châtelet de la place de Grève. Il était escorté du bourreau Simon, d'un héros d'armes, de 4 conseillers au Parlement, des officiers de troupes royales qui représentaient le roi à son exécution et de nombreux piquets de cavalerie. Sur toute la route suivie par le cortège, les façades des maisons disparaissaient sous le nombre immense de têtes qui fourmillaient aux portes, aux fenêtres, aux lucarnes, sous la foule qui envahissait les corniches, les frontons, les bornes, les moindres saillies. Partout où un pied pouvait se poser, où une tête pouvait passer, on voyait quelque chose se mouvoir, on voyait darder des yeux enflammés de curiosité. Les exécutions ont eu lieu pendant bien longtemps sur la place de l'Hôtel de Ville. Lorsqu'elle fut consacrée à cet usage, ce n'était point comme aujourd'hui un sol exhaussé, mais une grève que la Seine rasait et couvrait souvent de ses vagues à la crue des eaux. On pensait sans doute qu'un lieu de supplice avait besoin qu'un fleuve entier passât sur ses taches de sang pour les laver. La foule était plus pressée encore dans cette enceinte. L'échafaud s'élevait au milieu, et des gradins étaient dressés autour pour les spectateurs de haut rang qui bientôt y prirent place, ayant au milieu d'eux le prévôt chargé de présider l'exécution. Une ligne de soldats entourait la place d'un cercle d'acier étincelant. Le condamné, arrivé au pied de l'échafaud, descendit de cheval et se tint debout en face de la multitude. Il avait à ses côtés le bourreau et ses aides, et devant lui un héros d'armes qui, après avoir fait faire silence par le son des trompes, lut de nouveau au peuple le jugement qui déclarait Pierre de Cran, traître et assassin, dégradé de ses titres de noblesse et condamné à avoir la tête tranchée et le corps pendu au gibet de Montfaucon. Pendant cette lecture, un escadron de cavaliers anglais, précédé d'un écuyer du roi Richard II, arriva à bride abattue, ouvrant la foule à grands coups de sabre et sonnant de la trompette à fendre les nuages. Tout autre mourit, tout autre mouvement furent couverts par cette entrée tumultueuse. L'écuyer pénétra jusqu'au centre de la place où étaient les autorités et montra au prévôt un ordre du roi d'Angleterre qui enjoignait de suspendre l'exécution de Pierre de Cran, attendu que Sa Majesté britannique prêtait son alliance au dit baron et prenait sur lui d'obtenir sa grâce du roi Charles VI. « Écuyer, répondit le prévôt, va dire à ton maître que nous n'avons nul commandement à recevoir de lui. Exécutez des hautes œuvres, accomplissez les ordres du vôtre. » « Richard II est roi de France !» s'écria l'Anglais. « Voici son sein et son écu !»« La France n'a d'autre roi que Charles VI. ton sein et ton écu sont des mensonges. Commencez par leur obéir, misérable, et vous les discuterez ensuite. Commence ton règne par te sauver d'ici, Anglais, ou tu n'en sortiras pas vivant. » À cette menace, l'écuyer jeta un cri de colère au magistrat et un regard enflammé à ses soldats. Ceux-ci, obéissant à cette impulsion, fondirent sur le premier rang des troupes françaises qui entouraient l'estrade. Ce furent les clameurs perçantes, élevées alors de toutes parts, qui allaient résonner jusque dans l'enceinte où on venait de raser l'hôtel de Cran, et attirèrent sur la place publique les maçons et les frères cordeliers. Ces ouvriers, naguère si portés à la cruauté envers Pierre de Cran, avaient subitement changé de disposition. D'abord, à force de frapper des pierres, ils se sentaient le bras et l'âme fatigués de destruction, et comme ils avaient eu leur part de la vindicte publique, il leur semblait que tout le monde devait être satisfait. Ensuite, la pitié était entrée dans leur cœur à la voix de cette jeune femme qui priait pour Pierre de Cran en mourant par lui. Ils firent entendre quelques clameurs par lesquelles ils demandaient que l'exécution fût suspendue et que la force armée se retirât. Bientôt, un grand nombre des assistants, entraînés par cet exemple, exprima hautement ses vœux en faveur du condamné. Le peuple, que captive toujours la bonne mine et le courage, avait conçu de vives sympathies pour Pierre de Cran, jeune, beau, plein de vie et d'audace, voulant venir au supplice droit et fier sur son cheval, comme il se fut rendu au tournoi. Et puis, tout sujet de rixe est toujours bienvenu entre le citadin et la force armée qui le trouble sans cesse dans ses libertés. Ce parti grossit rapidement dans la foule et devint formidable. Lorsque les hommes d'armes s'avancèrent pour réprimer les cris séditieux, Roger et ses compagnons, brandissant leurs haches, firent résistance et furent soutenus d'un grand nombre d'hommes du peuple armés de pierres et de bâtons qui se mêlèrent aux soldats. Ce fut alors un tumulte épouvantable, un roulement de voix plus fort que le fracas du tonnerre, un choc d'armes qui lançait les éclats de l'acier jusque dans les airs, un mélange de cris et de gémissements, un pêle-mêle qui aveuglait, un bouleversement sans nom et qui semblait être sans issue. Ce qui dominait tout le reste était les cris par lesquels les masses, divisées, exprimaient violemment leurs vœux. On entendait de toutes parts « Vive Richard II, vive Charles VI, grâce aux condamnés, mort, mort aux condamnés !» C'était surtout au pied de l'échafaud que le choc était le plus funeste. Les éclats du tumulte dominaient tout commandement. Ici, les armes militaires tombaient brisées sous les coups de bâton, les casques étaient emportés par les pierres sifflantes. Là, au contraire, les troupes royales foulaient les émeutiers au pied de leurs chevaux. En vain, les frères cordeliers s'étaient portés en cet endroit pour tâcher d'apaiser la multitude. Les chariots, les chaînes, les tréteaux, les gradins, les barrières, tout ce qu'on avait transporté là pour établir l'ordre augmentait le chaos. L'œil ne distinguait plus rien. Enfin, les soldats du roi, d'abord étourdis par le choc, mais à qui le nombre et les armes assurent la victoire, ont le dessus et enlèvent aux révoltés leur court avantage. Les Anglais s'enfuient, poursuivis par les archers, qui leur donnent la chasse. Les hommes du peuple, un moment mêlés à ses assaillants, vont s'enfuir dans la foule, et on ne peut plus distinguer les émeutiers des spectateurs. Cependant, le prévôt, qui avait été prendre sur l'échafaud la place d'où il devait présider l'exécution, y fit promptement monter le bourreau. Celui-ci se hâta de relever le billot, de préparer la hache, le coussin sur lequel le patient allait s'agenouiller, le drap noir qui devait recevoir sa tête, et disposa tout pour ce qui allait se passer. Puis soudain, il s'arrêta d'un air tout stupéfait. « Dépêche-toi, Simon !» lui dit d'une voix sourde le prévôt, encore exaspéré de la lutte qu'il avait eue à soutenir, mais n'élevant point la parole parce qu'il ne voulait pas faire voir au peuple la colère qu'il avait bouleversée et dont il frémissait encore. « Dépêche-toi de par tous les saints, et que tout ceci soit achevé dans quelques minutes !» Mais Simon restait immobile, droit sur ses pieds, tremblant de tout son corps, le visage effaré, et tournant de tous côtés sa tête semblable à une girouette. « Voyons, misérable !» reprit le prévôt en grinçant des dents et avec un regard furieux. « Voyons, à l'ouvrage, qu'attends-tu? Et que te manque-t-il donc ?»« Il me manque ?» balbutia le bourreau. « Quoi, fini ou ta bille en répond ?»« Il me manque le condamné. »« Juste Dieu !» s'écrie le magistrat. « Où est-il donc ?» Et ainsi que Simon, il se met à regarder de tous côtés. Alors on s'aperçoit partout de l'absence du criminel. On s'écrie, on cherche, on s'agite, mais en vain. Le héros d'armes et les deux gardes qui étaient aux côtés du baron sont morts dans la mêlée, et leurs corps gisent sous les tréteaux renversés. Mais lui, on ne le trouve ni parmi les morts, ni parmi les vivants. Il s'est évanoui, et nul vestige n'indique sa trace. Alors la foule entonne une rumeur nouvelle. Le tumulte revient éclatant, désordonné. Ces flots d'hommes se roulent les uns sur les autres, bondissent au pied de l'échafaud pour voir la place vide de Pierre de Cran. Enfin, on renonce à jouir du spectacle de ce jour. On s'éloigne, chacun en portant sa colère ou sa joie. Les magistrats, les seigneurs, les officiers du roi exhalent hautement leurs imprécations. Les ouvriers qui ont voulu sauver Pierre de Cran rient de ce dénouement à cœur joie. Ils sortent de la place de grève comme d'un théâtre où l'on aurait joué une pièce amusante. Et Roger s'en va le dernier et le plus gai de tous. Vous connaissez la Sainte-Chapelle bâtie par le roi Saint-Louis dans la cité, sa nef gracieuse et légère, paraissant prête à fendre les flots de la ville, ses tourelles aériennes, ses colonnes élancées, formant de leurs tiges réunies au sommet une voûte semblable à celle des bois. Vous retrouverez encore, dans l'état de solitude et d'oubli où elle est maintenant, l'inspiration du roi pèlerin et voyageur, qui mit tant de simplicité et de grâce dans la richesse de ses ornements. C'était le 12 septembre 1395 qu'il fallait voir l'intérieur de cet admirable petit temple. Le peuple doré de la cour couvait son pavé de marbre et s'étendait dans toutes ses tribunes. C'était de toutes parts des lignes serrées et resplendissantes de dorures, de pierreries, d'armures étincelantes, d'écharpes à devises, de panaches ondoyants. La lumière qui traversait les vitraux coloriés et peints de 1000 tableaux charmants répandait dans l'espace des flots d'iris et des images de vierges et d'anges. On eût dit le jour qui règne dans le ciel. Au pied de l'autel était une jolie petite fille de 8 ans. Cette charmante miniature portait la lourde parure d'une reine. Sa tête, blonde et rosée, était chargée d'une large couronne. Sa taille enfantine se dérobait sous un manteau royal brodé d'or et de diamants, et bien plus pesant qu'elle. C'était Isabelle, fille de France, qui épousait le roi d'Angleterre, représenté par un ambassadeur à genoux à ses côtés. Le prêtre qui officiait, s'adressant à l'enfant, lui demanda au nom de Dieu si elle voulait prendre pour époux Richard II, roi d'Angleterre. « S'il plaît à Dieu et à Monseigneur mon père, répondit-elle, je l'accepte et serai volontiers reine d'Angleterre. » Et sa figure brilla du bonheur d'avoir bien récité sa leçon en présence de si grande compagnie. L'ambassadeur, qui l'épousait par procuration, répondit « Madame, au plaisir de Dieu, vous serez notre dame et souveraine. » Alors, la reine de la Grande-Bretagne courut sur les genoux de sa mère, afin de recevoir un baiser pour sa récompense, comme cela lui avait été promis. Un festin digne des deux couronnes qu'il réunissait suivit la cérémonie. Au milieu de la fête qu'il présidait du haut de son trône, la figure du roi Charles VI resplendissait de bonheur. Il se réjouissait de toute son âme de ce mariage, qui donnait une trêve de 28 ans à son royaume et un trône à sa fille chérie. Il écoutait avec douceur les sons d'une musique où se mêlaient les tendres harmonies de la harpe, de la flûte, de la doucine. Mais au milieu d'elle, l'éclat d'un cor se fit entendre. Soudain, Charles pâlit, ses yeux se troublent comme la glace qu'un souffle a touchée. Il murmure entre ses dents serrées par la rage « à mort les traîtres !» Ses serviteurs les plus fidèles voient l'accès de folie qui se prépare. Ils enlèvent le prince dans leurs bras et l'emportent rapidement dans une salle basse du Louvre où ses cris ne peuvent être entendus. Tout le luxe royal, tout l'éclat de la fête, tout l'horizon de joie et d'amour disparaissent pour le pauvre souverain. Il est presque seul dans cette salle aux murs sombres et nus, étendu sur un grand fauteuil de bois, et bientôt couvert d'un manteau de drap grossier dont on remplace à la hâte son vêtement royal qu'il vient de déchirer en lambeaux. Charles VI avait alors 30 ans. Comme il s'opère quelquefois dans le ciel la jonction de deux astres éclatants, habituellement séparés l'un de l'autre, le hasard avait réuni dans ce prince la royauté et le mérite personnel. Il avait tous les dons qui peuvent séduire les yeux et charmer les cœurs. Il avait l'air, la taille d'un héros, et en même temps, sa physionomie exprimait la douceur, la bonté du cœur le plus simple. on voyait briller dans ses regards l'ardeur guerrière de ses ancêtres et l'intelligence supérieure par laquelle il devançait son siècle. Sa figure était belle, sa tenue majestueuse. Il déployait une adresse extraordinaire à tous les exercices du corps. Aimant, généreux et confiant lui-même à l'excès, il croyait également au dévouement et à l'amour des autres. Et au milieu de tout cela, un mal affreux, dévorant, la folie, était venu étouffer toutes ses belles facultés, réduire au néant ses brillants avantages de la nature et de la destinée. Dans de certains moments, Charles VI n'était plus roi, n'était plus homme, mais la plus misérable créature de son royaume, un être sans nom, sans figure, sans pensée. Lord Ryler, ambassadeur d'Angleterre, et honoré de toute la bienveillance du prince français, comme étant venu terminer des guerres désastreuses, demanda à le voir dans ce triste état, espérant, par sa présence, lui apporter quelque soulagement. Il eut peine à reconnaître le monarque vieilli en quelques minutes par la souffrance, les yeux caves, le visage sillonné de rides par les contractions de la démence. À la vue de l'ambassadeur, le pauvre prince sourit cependant au milieu de ses larmes et se mit à jouer avec le collier de l'anglais comme un enfant. « Sire, dit le lord, vous êtes malade de corps et d'âme. Que les sages hommes et les forts vous soient en aide. » Charles parut reprendre quelques lueurs de raison. « Non, dit-il, les physiciens ne guérissent pas la pensée, et mes hommes d'armes n'ont ni flèche ni épée qui atteignent les fantômes. Alors, je vous demanderai de vous amener un docteur plus habile que les juifs et les physiciens, car il n'emploie pour calmer les souffrances que le secours de ses chants. C'est un frère cordelier qui a rapporté d'Italie un luth merveilleux, renfermant ce qu'il y a de plus doux dans la mélodie de cette terre musicale, et il opère chaque jour maintes cures miraculeuses à l'aide de cet instrument uni à sa voix. Charles, ayant fait signe qu'il acceptait la proposition de l'ambassadeur, celui-ci envoya un de ses gens chercher le moine Ménestrel qui arriva promptement. La salle était grande, sombre, à la voûte profonde, entièrement déserte et isolée de tout le reste du château. On n'entendait que les flots de la Seine qui battaient le pied de ses murailles. Un seul rayon de jour tombait de la fenêtre en ogive percée dans la voûte. Le roi était étendu dans son fauteuil de bois noir. Les lignes de son visage, fiévreux et défait, étaient à peine effleurées d'une légère trace de lumière. En face de lui, le frère cordelier était assis sur un escabeau. Le jour tombant d'en haut, l'ombre de son capuchon couvrait tout son visage. On ne voyait que ses mains, d'une blancheur d'albâtre, qui erraient sur les cordes du luth. Lord Ryler, debout auprès du roi, appuyé sur le dossier de son fauteuil, pouvait observer, sans être vu de lui, l'effet que l'harmonie allait produire sur le royal malade. Le moine, d'une voix puissante et qui portait les impressions jusqu'au plus profond de l'âme, chanta d'abord les aïeux de Charles VI. Il raconta les hauts faits, les marches guerrières, les conquêtes de Jean et de Philippe de Valois, comme pour détacher le prince de sa propre existence à l'aide de ses grands souvenirs. Puis, quand il crut lui avoir rendu assez de force pour qu'il pût courageusement se replier sur lui-même, il lui chanta une ballade mélancolique et tendre, qui rappelait une à une toutes les souffrances humaines, qui en faisait vibrer les soupirs et les gémissements dans des notes d'une mélodie toute plaintive, mais qui, en même temps, ramenait toujours au milieu d'elle une consolation chrétienne. Peu à peu, le calme, la force, la lumière sereine de la raison reparurent sur les traits du roi. Le charme opérait dans toute sa puissance. À chaque accent de cette mystérieuse musique, on voyait, sur le visage du malade, la fibre palpitante s'assoupir, la pâleur livide disparaître, les pleurs se sécher, le rire convulsif se détendre, et toutes les contractions laissées par un délire furieux faire place à la sérénité religieuse, à la majesté paisible. Charles VI était entré dans cette salle, insensé, misérable, il en sortit homme et roi. Le lendemain, le monarque, ayant repris le cours de sa vie habituelle, recevait à son lever. Il avait auprès de lui ceux de ses chevaliers qui étaient en même temps ses amis, c'était Geoffroy, Lahire, Montfort, les deux Malthus et d'autres capitaines qui joignaient à la puissance de l'épée un mérite personnel et réel. Leur attachement profond pour Charles VI avait fait donner à ce prince le surnom de bien-aimé, qui de l'intérieur de la cour s'était répandu au dehors. L'ambassadeur d'Angleterre entra. Il amenait avec lui le barde inconnu dont la puissance occulte avait été si favorable au roi. Le moine, toujours caché sous son capuchon, demeura à l'entrée de la porte, derrière tous les chevaliers. Charles, le montrant à ses jeunes seigneurs, prit plaisir à leur raconter comment, la veille, il avait été guéri de ses cruelles souffrances par le luth et les chants de ce ménestrel étranger. Il vanta beaucoup le génie musical qui était en lui. Il parla avec enthousiasme de sa voix, qui exprimait si bien tous les mouvements, toutes les inspirations de la poésie, et semblait révéler une âme supérieure faite pour les plus hautes destinées. Lord Ryder alla prendre le moine par la main, et l'amenant au milieu du cercle devant le roi. « Je puis donc espérer, sire, dit-il, que mon barde en capuchon trouvera grâce devant vous. »« Grâce ? » répéta le roi. « Comment donc ? Mais c'est notre faveur que nous prétendons lui accorder. Celui qui peint si bien les nobles sentiments et les pensées élevées ne peut qu'en posséder de semblables lui-même et doit être apprécié autant qu'honoré par nous. Et il pourrait compter, s'il en était besoin, sur la protection de votre majesté, sur la protection du roi comme sur le cœur de l'ami. » Lord Ryder rejeta en arrière le capuchon qui couvrait la tête du cordelier. « Pierre de Cran !» s'écria toute la cour. Ce jour même, le célèbre proscrit fut réintégré dans ses biens, dans ses dignités, et put juger que sa fortune allait prendre une face plus brillante que jamais. Mais une révolution extraordinaire s'était opérée en lui. Tout était bien changé dans sa pensée. Il avait vu de près la mort. Au pied de l'échafaud, un autre monde s'ouvrait déjà pour lui, et la lumière de ce monde avait régénéré son âme. Au moment du supplice, il avait été sauvé miraculeusement. Le tumulte amené par l'intervention armée des Anglais avait tout confondu, tout bouleversé, tout heurté dans les rangs. Il s'était trouvé renversé au pied de l'estrade où le bourreau l'attendait. Le maçon Roger, poussé jusque-là par l'essor populaire et faisant, à coups de pierre et de bâton, de l'opposition contre le pouvoir, avait pris grand plaisir à dérober le condamné à sa justice barbare. Jetant sur lui sa longue cape grise, il n'en avait enveloppé de la tête aux pieds, et le condamné s'était relevé tout travesti et en état de se sauver facilement dans la foule. Lorsqu'il eut repris son ancienne et brillante situation, la première pensée du prince de Cran fut pour la jeune victime de ses passions, qu'il avait été forcé d'abandonner dans un pavillon de son hôtel et dont il ignorait le sort au milieu du sac de l'édifice. Il se rendit en toute hâte sur la place où s'élevait peu de jours auparavant cette magnifique demeure, théâtre de tant de fêtes, de tant de nuits d'ivresse, dépositaire de tant de joyeux souvenirs qui s'étaient évaporés dans les airs au moment où l'âge avait ouvert ses flancs. Le prince entra dans le jardin qui se trouvait disposé pour l'usage religieux auquel il était affecté. Le champ funèbre avait été semé de gazon, planté de cyprès, et de nombreuses fosses, s'y voyaient déjà ouvertes pour les morts, seuls convives maintenant habités dans ce lieu. Pierre de Cran ne fut pas longtemps à trouver celle qu'il cherchait. Sous les rameaux d'un saule pleureur était étendue une forme délicate et blanche. Le père Jérôme, prieur des cordeliers, à genoux sur le gazon, tenait son livre d'heures et lisait à demi-voix les prières des morts. Près de lui était une coupe d'eau qu'il avait puisée à la source voisine et qu'il venait de bénir. Le vaste cintre de l'arbre lui servait de temple pour sa prière, et l'ombre n'en était interrompue que par quelques étincelles de soleil qui passaient entre les feuilles et semblaient des cierges allumés autour de la morte. Devant ce corps sans vie, Pierre de Cran fit au père Jérôme la confession de toute sa faute. Cette jeune fille était l'enfant du connétable de Clisson et ses plus tendres amours. Pierre l'avait séduite et enlevée, en lui jurant sur Dieu même de lui donner sa main. Mais Dieu n'était alors pour lui que le complice de ses crimes. Après avoir été porté, par des vengeances de cour, à assassiner le connétable, il avait été forcé de fuir et d'abandonner la jeune fille dans ce bâtiment retiré de son hôtel, où elle était devenue folle et était morte de faim. Le prince, en confessant ses forfaits, avait sur le front l'humilité de la pénitence et la pâleur du repentir. Il remercia à genoux le père cordelier d'avoir assisté la jeune victime à ses derniers moments. Elle fut la première habitante de ce nouveau cimetière. Le prince lui fit élever un mausolée avec les débris de ce pavillon qu'elle avait appelé sa tombe. La statue de l'Italie, cette belle figure que le maçon Roger n'avait pas eu le courage de frapper, et qui, par miracle, était restée intacte au milieu des décombres, avait une douce ressemblance avec la fille du connétable. On la plaça sur son tombeau, puis on planta tout autour des rosiers de roses blanches et de jeunes arbres, qui, sur ce monument d'expiation, s'épanouirent si bien et déployèrent une verdure si fraîche que le champ funèbre en prit le nom de cimetière vert. Il y avait une autre victime des déportements de Pierre de Cran, à laquelle le prince repentant brûlait de porter secours. L'écuyer Jean de Mauléon, le compagnon, l'instigateur des crimes de son maître, le souffle infernal qui jetait la corruption dans son sein, avait été arrêté avec lui après l'affaire de la rue Culture Sainte-Catherine et depuis longtemps gisait dans les prisons de la conciergerie. Pierre de Cran n'espérait point le sauver, car le roi avait juré de tirer vengeance du meurtre d'Olivier de Clisson, et s'étant laissé entraîner à pardonner au prince, son ancien favori, il voulait au moins que la mort de l'écuyer vint donner satisfaction à la justice. On préparait donc pour ce coupable un supplice exemplaire qui devait avoir lieu le lendemain. Mais Pierre de Cran se souvenait de tout ce qu'il avait souffert à cette heure suprême, lorsque, saisi de crainte et de remords, il avait vainement demandé les secours d'un confesseur, et il voulait offrir ce dernier bienfait à son écuyer, à son ami qui allait mourir pour lui. Muni du sceau royal qui lui ouvrait toutes les portes, il pénétra auprès du prisonnier. Jean de Mauléon, à l'apogée de la vie, doué d'une taille athlétique, d'une force physique prodigieuse, n'avait plus que 12 heures à vivre. Il était lié par les mains et la ceinture au pilier d'un cachot entièrement sombre et dont l'eau envahissait les dalles. Mais dans cette torture continuelle, presque entièrement privé de nourriture, il avait conservé toute son énergie et se préparait à mourir sans faiblesse. Lorsque le prince lui parla des fautes de sa vie passée et du repentir qui devait sanctifier sa mort, il répondit avec une fermeté arrogante « Quand je vous ai conseillé de voler l'argent que la duchesse d'Anjou envoya à son mari pour le dépenser à Venise, n'est-ce pas vous qui en avez joui, qui avez goûté une à une toutes les voluptés que contenait ce coffre-fort sous la forme de belles pièces d'or, et qui, grâce à lui, avait mené pendant 3 mois une vie de monarque? Quand je vous ai engagé à mettre à mort Olivier de Clisson, n'était-ce pas pour que vous fussiez à la fois vengé d'un ennemi passé et délivré d'un ennemi futur? Mais par le meurtre et la trahison, je vous avais juré foi et hommage. Je devais tout voir, tout juger à travers mon serment, voler l'or du duc d'Anjou pour vous saturer de volupté, tuer Clisson pour laver de son sang votre écusson outragé par lui. Votre livret que je portais vous inféodait mon âme comme mon corps. N'est-ce pas ainsi que vous entendiez la fidélité et le dévouement, mon seigneur? Oui, mais c'était d'odieuses erreurs. Mourir de la main du bourreau pour une erreur est un sort assez rude. Quelle que soit la mesure de tes fautes, tu sentiras, au moment suprême, le besoin de les déposer dans le sein d'un confesseur et d'en demander le pardon. Quand nous avons agi ensemble, quand nos pensées et nos bras se sont confondus pour la même action, il vous en revient, à vous, la faveur royale, la considération, la paix dans les grandeurs et les richesses. À moi, la mort dans les supplices. Comment voulez-vous que je demande pardon à ce Dieu qui ne sait pas même faire justice? Jean de Mauléon, au nom de votre âme, ou si vous le voulez, au nom de l'obéissance que vous avez toujours eue pour moi, consentez à recevoir le père Jérôme, prieur des Cordeliers. C'est moi qui vous en supplie. Quand vous avez toujours écouté avec tant de soumission les ordres de votre maître, refuserez-vous de céder à ses prières? Eh bien, qu'il vienne donc, le moine. Je lui révélerai plus de crimes qu'il n'en a entendu dans sa vie de confesseur. Mais au lieu de m'accuser devant lui, c'est lui que j'accuserai. Je lui demanderai comment tous ces prêtres, qui se disent les ministres de Dieu, ne savent pas mieux arrêter les mauvais penchants des hommes, et avec leur pouvoir céleste, ont moins de force pour s'opposer au crime qu'un soldat du guet avec sa pertuisane. Le lendemain se tenait chez la reine Isabelle une séance de la cour d'amour. Les premiers dignitaires du royaume, les élèves, les conseillers de la grande chambre, aussi bien que les jeunes seigneurs, les poursuivants d'armes et les pages composaient cette singulière magistrature et tenaient également bien leur place dans les rangs des juges. Les questions de sentiments les plus ardues, les affaires de cœur les plus embrouillées étaient appelées à la barre, plaidées et jugées. L'amour, en ce temps, commettait toutes sortes de condamnations, mais du moins, au milieu de tant de beaux chevaliers, de tant de charmantes et nobles dames, il ne se laissait jamais juger par contumace. Dans cette assemblée, dont la gravité était si légère, le sérieux si gai, Pierre de Cran seul montrait un front pâle et rêveur, et s'isolait de la foule joyeuse au milieu de ses sombres soucis. À cette heure, dans ce moment même, un homme avec qui il avait passé toutes ses jeunes années, partagé tous les mystères de sa vie de honte, de crime et de damnation, un homme qu'il sentait tenir à ses entrailles par les liens de l'affection et de la complicité, allait mourir à sa place, afin qu'il y eût une victime offerte en expiation. Il avait fait pour le malheureux tout ce qui était en son pouvoir. Il lui avait envoyé, avec la permission du roi, le religieux Jérôme, homme d'une haute piété et d'une éloquence pénétrante. Mais il ignorait si l'esprit du bien avait pu triompher de l'esprit du mal dans l'âme du condamné. Comme il était absorbé dans ses cruelles pensées, un son de trompe se fit entendre sur le quai devant l'hôtel Saint-Paul. C'était le crieur public qui, après avoir assemblé le populaire, faisait lecture de la sentence rendue contre Jean de Mauléon, laquelle renfermait les détails de son exécution, qui allait avoir lieu en place de grève. Le prince de Cran avait le cœur déchiré. La parure, la beauté resplendissaient à côté de lui. Le feu des regards, l'éclat des jeunes visages, les reflets de la soie, les étincelles des dorures rayonnaient de toutes parts. La grâce des poses, des sourires, se mêlait à la grâce des fleurs, des draperies. La chaleur du plaisir et de l'amour régnait dans cette atmosphère enchantée, et au milieu de tout cela, perçaient les paroles du crieur, montrant la froide hache, la hideuse potence, l'horrible figure des bourreaux. Pierre était entouré des êtres les plus heureux du monde, des enfants privilégiés du ciel, et il voyait un malheureux, les cheveux dressés par la souffrance, dégouttant de sueur et de sang. Au milieu des propos galants et des rires, il entendait ses gémissements. En ce moment, un chambellan qui avait été appelé au dehors rentra et vint dire au roi que le condamné qui allait en ce moment même sortir de sa prison pour aller au supplice disait avoir d'importantes révélations à faire. Mais il voulait les adresser à Charles VI en personne et au prince de Cran, sans laquelle condition aucune parole ne sortirait de sa bouche. Toutes les voix s'élevèrent pour supplier le roi de ne point laisser ce malheureux approcher de sa personne sacrée. Mais depuis que le fantôme de la forêt avait jeté à l'oreille de Charles VI le mot de trahison, ce faible prince se croyait sans cesse entouré d'ennemis et marchant au milieu des embûches. Il voulut absolument apprendre ce que pourrait lui dévoiler un homme qui, sous le coup de la mort, ne devait pas mentir. Il déclara qu'il allait se rendre au palais de justice, où il entendrait le condamné quand celui-ci passerait de la conciergerie à la place de grève. Pierre de Cran, assigné pour venir aussi recevoir ses derniers aveux du criminel, suivit le roi avec une peine profonde. Cette entrevue était une épreuve à laquelle il n'avait point été préparé. Au fond de la salle du palais de justice, appelée salle de la table de marbre, était un buste en bronze de Charles VI et au-dessous, un siège élevé pour le roi, lorsqu'il assistait au spectacle qui avait lieu dans cette enceinte. Ce fut là que le prince prit place, ayant à côté de lui Pierre de Cran et ses grands officiers. Un cortège nombreux, composé des gens de justice, des membres de la prévôté, des exécuteurs des hautes œuvres, de plusieurs compagnies d'archers et de halbardiers, entra en masse compacte dans la salle et, s'ouvrant pour se ranger en deux lignes, laissa voir le condamné, la tête et les pieds nus, le corps seulement enveloppé d'un sac de laine brune ouvert sur la poitrine et serré d'une corde autour des reins. Jean de Mauléon, placé en face du roi, le considéra longtemps avec un mélange de haine et de pitié. Il y avait sur sa physionomie un air de supériorité étrange, et comme du haut de sa taille colossale, il était obligé de baisser les yeux pour regarder le prince, ce mouvement ajoutait encore à la hauteur de sa tenue. Un huissier lui enjoint de déclarer aussitôt les choses importantes qu'il doit apprendre au roi. Mauléon porte la main sur sa poitrine. Au même instant, une détonation épouvantable éclate, roule, tonne et semble faire crouler les voûtes. Une vapeur noire, une odeur infernale de soufre et de bitume remplit l'espace. Un cri s'élève de toutes parts, c'est partout un tremblement, une épouvante sans borne. Puis, quand le nuage de fumée se dissipe, chacun se regarde soi-même, étonné de se voir debout et sans blessure. Rien n'est changé dans l'enceinte. Seulement le buste en bronze du roi, placé à quelques pieds de sa tête, est brisé et les éclats semés autour de lui. Cependant, l'étonnement, la stupeur générale et l'effroi qu'inspire en ce moment le condamné empêchent les plus hardis de mettre la main sur lui et de lui faire expier la terreur qu'il vient de causer. Il a le temps d'élever sa voix au milieu de cette foule pétrifiée. Il commence par jeter aux pieds de Charles VI deux tubes de fer qu'il avait, en entrant, tenus cachés sur sa poitrine. « Vous voyez, dit-il, qu'avec ces instruments qui viennent de briser cette image de bronze placée si près du roi, je pouvais également casser la tête de Charles de France et de Pierre de Cran, son favori, dont l'élévation insulte à ma misère. Et c'était là, en effet, le dessein que je nourrissais depuis longtemps. Et hier encore, une horreur profonde se manifesta de toutes parts, mais la curiosité empêcha les assistants d'interrompre Mauléon. Oui, tel était mon projet, mon ardente espérance, ma cruelle consolation. Des soldats anglais m'avaient donné ces armes infernales. Je les tenais cachées dans ma prison, et l'espoir de les faire servir à ma vengeance soutenait mon courage de toute sa hauteur. Je voulais, comme je l'ai fait, demander à être conduit en présence du roi et de Pierre de Cran, et brisant leur corps comme un verre, envoyer leur âme rendre compte à Dieu du mal qu'il m'avait fait. Je n'avais rien à craindre, on ne meurt pas deux fois. Il y eut un mouvement dans la foule. On voulait entraîner le condamné et hâter son supplice. Le roi fit signe qu'on le laissa achever. Mais le père Jérôme, un saint digne du ciel, est venu me trouver dans mon cachot. Il ne m'a d'abord montré que de la pitié, m'entretenant de mon malheur avec l'air et la voix d'un ami. Puis, il m'a amené doucement à parler de mes fautes, et à les avouer sans que je me doutasse moi-même de la confession que je faisais. Alors, l'onction de ses paroles, la grandeur de ses pensées, ont fait pénétrer dans mon âme des lumières nouvelles et des sentiments plus purs. J'ai douté de ce que j'avais cru jusqu'à ce moment, et je me suis laissé entraîner à avouer le projet qui m'occupait. Le caractère de confesseur dont ce saint homme était revêtu l'empêchait de le déclarer pour en faire manquer l'exécution. Mais par le pouvoir de son éloquence sacrée, par le mépris de la vengeance qu'il a su m'inspirer, il a obtenu de moi le serment d'y renoncer. Voilà les révélations que j'avais à faire. Je devais à la justice de dire que c'est la présence de ce confesseur dans ma prison qui a sauvé la vie du roi de France. Puis il se retourna vers les bourreaux et leur dit fièrement « Maintenant, je suis à vous. » Le roi et sa suite se retirent. Le condamné s'achemina vers le lieu de sa destination. Le prince de Cran le suivit de loin avec un sentiment de respect profond. Le patient montrait une fermeté digne d'exemple. Cependant, à la vue du gibet qui dressait au-dessus de la place sa tête hideuse, il sentit un froid mortel courir dans ses veines, et craignant de pâlir aux yeux de la foule, il se tourna vers le père Jérôme qui l'accompagnait pour lui demander des forces nouvelles. Le cordelier fit arrêter la marche du cortège et donna au condamné un verre de vin et trois bouchées de pain, en signe d'adieu à la vie qu'il allait quitter. Puis il le fit mettre à genoux, versa des gouttes d'eau bénite sur sa tête et lui donna la dernière bénédiction. Le condamné se releva de là plus fort et plus résigné. Il reprit son chemin et arriva d'un pas ferme jusqu'au pied de l'échafaud, où les tortures commencèrent bientôt une mort épouvantable qui se termina par le gibet. Tout se passa à l'édification des assistants et à la grande gloire de la justice humaine. De retour à l'hôtel Saint-Paul, Pierre de Cran sollicita et obtint de Charles VI une ordonnance par laquelle le roi très chrétien décrétait que tous les condamnés à mort auraient désormais un confesseur pour les assister à leur dernier moment et que les pères cordeliers seraient chargés de cette sainte fonction. C'est de là que vient ce pieux usage qui s'est perpétué jusqu'à nous. Le soir de ce même jour, Pierre de Cran fit venir à son hôtel le maçon Roger et, enfermé dans son cabinet, seul avec l'ouvrier qui lui avait sauvé la vie, il commença par lui rendre la bonne cam grise qui, jetée sur lui si fort à propos, lui avait permis de se sauver. Le capuchon en était maintenant plein de pièces d'or et le prince, en la remettant au maçon, lui dit « Ami, tu as si bien travaillé pour moi un jour que je veux que tu te reposes le reste de ta vie. Je te ferai riche, je te ferai intendant de mes domaines. Mais avant ce jour, je veux que tu accomplisses encore et pour la dernière fois un ouvrage de ton ancien métier. » Alors, il se rendit avec l'ouvrier à la place où, en vue du gibet, Jean de Mauléon avait reçu le dernier morceau du patient et la bénédiction du Saint-Prieur des Cordeliers. « Tu élèveras là, » dit-il à Roger, « une belle croix de pierre, large de base et solide de structure, afin qu'elle dure des siècles. Je déposerai dans le couvent des frères de Saint-François une somme destinée à servir toujours au dernier repas des patients qui s'arrêteront dans cet endroit pour le prendre et recevoir la bénédiction. Tu mettras cette croix des ornements de sculpture, parmi lesquels mon écusson régnera de toutes parts. Je veux que l'ordonnance royale par laquelle le roi accorde à tous les criminels un confesseur au moment de l'exécution, et qui a été rendue à ma prière, ainsi que cette croix de pierre et la fondation que j'y attache, aille dire d'âge en âge aux condamnés à mort que j'étais leur frère en douleur, que j'ai connu comme eux les angoisses de ce moment solennel et terrible, que revenu miraculeusement à la vie, j'ai songé à ceux qui les subiraient après moi, et consacré mes soins à leur donner, pour l'heure suprême, les forces du corps et les consolations de l'âme. » Ce fut ainsi que Pierre de Cran reçut le nom de bienfaiteur des condamnés, qu'il porte encore dans l'histoire. Clémence Robert.